Salut les accros, c'est Big Ben et bienvenue dans ce premier vlog. On va partir ça. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salut, à la prochaine.